J'étais dans la confusion la plus totale, moi qui pensais que le talent paierait. Illusion trop sale, je repars avec des rêves à enterrer. J'ai un cimetière de chimères où je vois ramper les gens les plus fiers, les langues de vipères et père et mère en pleurer. Sur les nerfs apeurés, tout le monde veut être friqué. Mais bon, faut pas se leurrer, je vais t'expliquer. Compter sur l'État pour qu'il puisse s'impliquer et me sortir de la merde, c'est compter sur la flamme d'un briquet pour faire fondre un iceberg lisé. Entre mes lignes ou sur mes lèvres, mes rimes s'élèvent et disent que dans ce bise, tous les vices brisent mes rêves. Je disais, si la franchise se déguise, c'est d'être. Je voulais prendre mon envol, mais la traîtrise vise mes ailes. Obligé de vous parler de ce que la vie me révèle. Oui, je me suis privé, j'ai refusé de la taprime et le zèle. Je voulais gagner, on m'a donné que le droit de perdre. Je suis dans la peau d'un manchot, dans un concours de bras de fer. Percé par mes illusions, charge en vie de mon espoir n'a plus de munitions. Mon rêve de dollars, de bibes, de l'arc à Cupidon. Marre de vivre toutes ces punitions. Mon rêve de pouvoir nous battre avec nos armes au milieu de l'arène à armes égales. Percé par mes illusions, charge en vie de mon espoir n'a plus de munitions. Apparemment y'a pas que la barbe du Père Noël qui était fausse gosse. On me disait qu'importe ton adresse, ta couleur, bosse bien au lycée. J'ai sué des litres d'efforts, dévoré des livres, fortifié mon niveau pour voir un rêve réalisé. Mais c'était sans compter sur discrimination, intégration, l'aberration que vivent les fils de la nation, issus d'immigration, génération que Marianne dit aimer. Pourtant le mariage des cultures n'est toujours pas consommé. J'suis l'incarcération de mon potentiel à chaque fois que tu juges. À la barre des clichés, oui j'ai pigé, mais trop tard que la justice était un colis piégé. Péché, certains pour manger ont dû sécher leurs larmes sur les tentages du péché. Yeah. Ils nous veulent dans la soute, mais pas avec eux. Donc pis sur leur première classe à la Gérard Depardieu. Yeah. Ici pour monter, faut avoir du piston. J'suis dans la peau d'un manchot, ou faut avoir le bras long. Percé par mes illusions, charge en vie de mon espoir n'a plus de munitions. Mon rêve de dollars, de bibes, de l'arc à Cupidon. Marre de vivre toutes ces punitions. Mon rêve de pouvoir nous battre avec nos armes au milieu de l'arène à armes égales. Percé par mes illusions, charge en vie de mon espoir n'a plus de munitions. Mon rêve comme Martin des plus beaux cauchemars de Jean-Marie. Qui est moins de baratin, voire plus de Roselle Macari. De pouvoir faire le pari que la chevauchée scolaire de nos fils réussissent, qu'elles finissent par rafler la mise. Que toutes nos zones à risque ne soient plus diabolisées, carbonisées, pour que la France ne soit plus terrorisée, valorisée. Le talent de nos frères et sœurs en partant loin de peine et pleurs, mère en pleurs et père alcoolisé. Malgré nos chances atomisées, la foi demeure intacte. C'est souvent quand nos rêves sont brisés que le diable veut faire un pacte. Laisse-moi faire un pas loin des terrains vagues. Là où on ne verra pas que des dérapages dans les rapports humains. Laisse-moi prendre ma part et mener ma barque, ma famille à bord, loin des miradors. Avec un gros putain, on espère tous de meilleurs lendemains. Mais l'État est comme un manchot quand on lui demande un coup de main. Percé par mes illusions, charge en vie de mon espoir n'a plus de munitions. Mon rêve de dollars, de bibes, de l'arc à Cupidon. Marre de vivre toutes ces punitions. Mon rêve de pouvoir nous battre avec nos armes au milieu de l'arène à armes égales. Percé par mes illusions, charge en vie de mon espoir n'a plus de munitions. Mon rêve